La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Kitty Genovese. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1964, dans le Queens, à New York, Kitty Genovese, une Italo-américaine de 28 ans, est assassinée de plusieurs coups de couteau alors qu'elle rentrait chez elle. Dans l'Amérique violente des années 60, ce crime ne vaut qu'un entrefilet dans le New York Times. Mais du simple feuillet jusqu'à la double page, du fait divers local à l'affaire L'État, il n'y a qu'un pas. En échangeant avec le chef de la police de New York, le rédacteur en chef du prestigieux quotidien américain découvre, quelques jours plus tard, que 38 témoins, voisins et riverains, auraient assisté au meurtre de la jeune femme sans intervenir. Les États-Unis découvrent alors avec horreur leur individualisme et le pays s'interroge, et nous, qu'aurions-nous fait ? Mais depuis le début des années 2000, historiens et journalistes démontrent que le nombre de témoins a été exagéré par un chef de la police prétentieux et par un rédacteur en chef à la recherche de scoops. Pourtant, le sensationnel reste indéboulonnable et le mythe des 38 témoins imprègne encore l'imaginaire collectif, à tel point qu'il inspire des écrivains comme Didier Decoin et son roman « Est-ce ainsi que les femmes meurent ?». Il sert de trame à des réalisateurs comme Clint Eastwood dans « L'homme des hautes plaines » sorti en 1973, ou encore à Lucas Bellevaux avec son film « 38 témoins » à l'affiche en 2012. Le cinéaste est notre invité aujourd'hui. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. New York, 1964. Le quartier paisible de New Gardens, dans le Queens, ne ressemblant en rien à un décor de film d'horreur. Deux grands chênes font de l'ombre aux maisons à colombages, faussement anciennes et aux immeubles en briques rouges. Kew Gardens pourrait se situer dans n'importe quelle banlieue de n'importe quelle ville moyenne américaine. Un quartier si calme qu'on est loin de se douter qu'à seulement 17 km de là, celui de Manhattan bouillonne. Nous sommes précisément le 14 mars 1964. Il est environ 3h du matin. Le moteur d'une petite Fiat rouge rompt le silence d'Austin Street. Au volant, Kitty Genovese, 28 ans, vient de finir son service au Eleven Hour Club. Ce pub de Jamaica Avenue se situe à une poignée de kilomètres d'ici. Son enseigne lumineuse jure avec la morosité des immeubles délabrés qui l'entourent et dégage des odeurs de friture. Derrière le zinc, avec son nez un peu marqué, ses pommettes très dessinées, ses dents blanches, Kitty Genovese a réussi à redonner un peu de couleur à ce rat de miteux. D'abord, elle a changé la carte et elle concocte de nouveaux cocktails bariolés. Et puis, cette petite brune à la langue bien pendue a réussi à dérider les habitués grâce à son humour décapant. Mais être barmaid n'est qu'un job alimentaire et temporaire pour Kitty, qui espère ramasser assez d'argent pour pouvoir acheter un local et ouvrir sa propre pizzeria avec son père. L'italo-américaine ne s'appelle pas Genovese pour rien. Cette nuit-là, au volant de sa Fiat rouge, Kitty doit sûrement murmurer le dernier tube à la mode d'un groupe britannique qui fait beaucoup parler de lui, les Beatles. Numéro 1 au top 50, elle doit chanter « She loves you ».« Elle t'aime et tu devrais être heureux », disent les paroles d'un groupe qui n'a pas encore fait sa mue vers une musique beaucoup plus sophistiquée. Ça tombe bien d'ailleurs. Car cette chanson, simple et diablement efficace, trouve un écho tout particulier dans le cœur de la jeune Kitty. Elle sait que Marianne, sa petite amie, dort à point fermé dans leur appartement d'Austin Street. Les deux femmes se sont rencontrées en mars 63 dans un bar lesbien de Greenwich Village, le Swing Rendez-vous. Sous les volutes de fumée et la musique assourdissante, le coup de foudre est immédiat. Les deux femmes emménagent quelques semaines plus tard dans leurs deux pièces d'Austin Street, et se présentent à leurs voisins comme des colocataires. Parce que dans l'Amérique de 64, être homosexuel, c'est être harcelé en permanence par la police. C'est la possibilité de se voir doté d'un casier judiciaire estampillé délinquant sexuel. Dans une société qui sointe l'homophobie. Comme le prouve cette conférence donnée par un officier de police dans une classe d'école en 1966. Peut-être qu'ici, parmi vous, dans cet auditorium, certains seront homosexuels dans le futur. Il y a beaucoup d'enfants ici. Et peut-être que certaines filles deviendront lesbiennes. Nous ne savons pas. Mais sérieusement, ils peuvent être partout. Ils peuvent être juges, avocats. Nous le savons et nous en avons arrêté. Donc si l'un d'entre vous se retrouve impliqué dans une relation avec un adulte homosexuel ou un autre garçon, et que cela se fait régulièrement, il vaudrait mieux arrêter. Et vite. Parce que 1 sur 3 d'entre vous pourra devenir queer. Et parce que si on vous attrape avec un homosexuel, vos parents seront les premiers au courant et vous serez attrapés. Ne pensez pas que vous pourrez y échapper. Autrement dit, pour Kitty et Marianne, c'est vivons cachés, vivons heureuses. Dans cette nuit du 13 au 14 mars 1964, à bord de sa petite citadine italienne, Kitty s'engage dans le parking en plein air de Long Island Railway. Elle cherche, puis trouve une place pour se garer et rentrer chez elle. Mais le temps de couper son moteur, de réunir ses affaires et de sortir, elle entend des pas qui s'accélèrent. Au loin, une silhouette dans la nuit, un homme, une casquette sur la tête, court vers elle. Lui, c'est Winston Mosley, un Afro-Américain de 30 ans, père de famille et employé modèle dans une société informatique. Pendant que Kitty passe un dernier coup d'éponge sur le bar du 11 Hour Club, Mosley débute sa chasse à bord de sa Chevrolet blanche. Comme tous les soirs, cet homme d'un 1m75, au front large et aux pommettes saillantes, attend que sa femme, infirmière de nuit, parte au travail. Il nourrit ses 5 bergers allemands, embrasse ses 2 enfants, boit quelques bières devant la télé, puis claque la porte de sa maison du quartier de South Ozone Park pour s'enfoncer dans la nuit. Parce que Mosley chasse les femmes. Et cette nuit-là, pulsion aidant, il est décidé. Il veut commettre un féminicide, tuer une proie qu'il aura repérée au volant de sa Chevrolet. Voilà déjà plusieurs dizaines de minutes qu'il rôde dans le Queens, quand il aperçoit une voiture rouge et distingue une silhouette féminine. Il la suit. Une dizaine de blocs plus loin, la Fiat rouge ralentit et s'engage sur le parking. L'homme gare sa Chevrolet à quelques mètres. Rapide, vif, dans ce quartier mal éclairé, il s'approche. Mais sa proie sent-il danger? Kitty connaît le quartier comme sa poche et court vers une borne d'appel d'urgence pour appeler la police. Mosley l'attrape avant qu'elle ne l'atteigne et lui assène 2 coups de couteau dans le dos. Un cri déchire la nuit, Kitty Genovese tombe à genoux, hurle à l'aide. Dans les immeubles aux alentours, des lumières d'appartement s'allument. Joseph Fink, lui, travaille dans l'immeuble d'en face. Il fait la maintenance. Il a vu la première attaque alors qu'il était dans le vestibule, mais il n'a pas réagi. Non, il a préféré ne rien dire. Il a préféré se retirer, faire une sieste au sous-sol. 3 riverains de New Gardens sont assistés à ses premiers coups de couteau. Voici la retranscription du procès-verbal de 2 d'entre eux. Irene Frost, appartement, 2014. J'ai entendu un cri. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre et j'ai vu un homme et une femme debout de l'autre côté de la rue, près de la librairie. Je les ai regardés pendant 1 minute. Rien ne s'est passé. Alors, je me suis recouchée. La 2e fois, elle a crié. « S'il vous plaît, aidez-moi, Dieu. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai été poignardée. » Je suis allée à la fenêtre, et quand je suis arrivée, elle était agenouillée sur le trottoir, et il courait dans la rue. Robert Mother, appartement 705. J'ai vu cet homme et cette fille près de la librairie depuis ma fenêtre. J'ai vu cet homme se pencher sur cette fille, et elle était à genoux. Il l'avait agenouillée. Il était penché sur elle et j'ai crié « Hey, va-t'en !» ou « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il a sauté et a couru. Il a détalé comme un lapin. Le cri de Robert Mosher, l'un des riverains, fait effectivement déguerpir Winston Mosley. Le criminel a vu des fenêtres de l'immeuble s'allumer, a aperçu quelques silhouettes. Au moment de sa fuite, malgré ses blessures, Kitty en profite pour s'échapper et tourne au coin de la rue pour atteindre la porte de son immeuble. elle pense y trouver refuge. Le tueur retourne à sa voiture, se gare plus loin, dans un endroit moins visible de la 82e. Il attend. Et puis finalement, personne ne descend. La police ne vient pas. Alors il enlève sa casquette et pose sur sa tête un chapeau sombre à large bord qui dissimule une partie de son visage. Il est décidé à tuer. Il repart à la recherche de Kitty. Il veut l'achever. Il la cherche d'abord du côté de la gare, du Long Island Railroad. Puis une piste se dessine, des taches de sang qui le mènent à un immeuble. Si l'appartement de Kitty se trouve à Austin Street, la porte d'entrée se trouve, elle, de l'autre côté de la rue, à cause des commerces qui occupent le rez-de-chaussée. La victime sort ainsi du champ de vision de ses sauveteurs potentiels qui ont assisté à la première agression. Mosley repère sa proie blessée. Il ouvre la première porte de l'immeuble, puis la deuxième. Elle gît sur le sol dans une flaque de sang, vivante. Elle se met à crier quand elle l'aperçoit. Alors, il lui assène 9 coups de couteau dans l'estomac et à la poitrine. Et pour la faire taire, il lui plante un coup de couteau dans la gorge. Et il le raconte à la police quelques jours plus tard. La deuxième porte que j'ai essayée s'est ouverte. J'ai ouvert et elle était allongée sur le sol. Quand elle m'a vu, elle a recommencé à crier. Alors je l'ai poignardée plusieurs fois. Elle a semblé se calmer un peu. Elle ne luttait pas vraiment si fort avec moi maintenant. Alors j'ai soulevé sa jupe et j'ai coupé sa ceinture. J'ai même coupé ou retiré sa culotte. Et elle avait une serviette hygiénique. Je l'ai prise et je l'ai jetée. Et je l'ai poignardée à nouveau dans l'estomac. J'ai coupé son soutien-gorge. Et je ne me souviens pas si j'ai coupé son chemisier ou non. En coupant son soutien-gorge, j'ai vu qu'elle portait du rembourrage. Ses seins n'étaient pas aussi gros que je l'avais pensé. Je suppose que ça m'a rendu fou. Pendant cette seconde attaque, Kitty crie, hurle, un cri bestial. Elle appelle son voisin, un certain Carl Ross. « Carl, aide-moi, je suis en train de me faire poignarder. » Depuis son appartement, Carl Ross entend les cris. Il panique, il est ivre. Kitty la connaît bien, il gère une boutique de toilettage pour chiens spécialisée en caniches. Et il a vendu à Kitty un chiot dont il continue à prendre des nouvelles chaque fois qu'il la croise. Quand il entend les hurlements de la jeune femme, il appelle l'une de ses amies et lui demande quoi faire. Elle lui déconseille de s'impliquer. Carl Ross finit par téléphoner à la voisine de Kitty, Sophie Farrar, jeune mère de 2 enfants. Dans son appartement, Sophie était déjà réveillée depuis 3h20 du matin. Elle avait déjà entendu des cris qui s'étaient faufilés depuis la rue dans le noir épais de sa chambre à coucher. Sophie s'était levée et avait regardé par la fenêtre. Rien, pas un mouvement. Non, c'est quand elle est de retour au lit que la sonnerie du téléphone retentit. Au bout du fil, son voisin, Carlos, il suffoque, répète le nom de Kitty, sa voisine qui vit avec son amie, Marianne. Elle a été attaquée, elle semble morte là, dans le hall. Alors Sophie n'hésite pas. Sans savoir si l'agresseur est parti ou non, elle appelle le secours et se précipite. Elle découvre l'horreur. Kitty allongée sur le dos, la tête tournée vers la porte. Sa jupe remontée jusqu'à la taille, son chemisier déchiré. Une flaque de sang. Elle respire encore. Alors Sophie se jette au sol, la prend dans ses bras, la berce, la rassure, avant l'arrivée des secours. Les ambulances arrivent 5 minutes plus tard et transportent la victime vers l'hôpital. Kitty meurt de ses blessures avant d'arriver aux urgences. Il est 4h15 du matin. Après avoir assassiné et violé sa victime, Mosley lui a fait les poches, ses clés, son maquillage, des cachets et $49 en liquide. Il a pris aussi l'un des coussins qui rembourrait son soutien-gorge taché de sang, ne voulant laisser aucune empreinte digitale. Et Mosley rentre paisiblement en voiture à son domicile dans le Queens. Un peu plus loin, sur Hillside, il freine à une intersection dont le feu vient de passer au rouge. Et là, il remarque une voiture déjà arrêtée. Son conducteur est endormi, la tête sur le volant. Ce véhicule immobilisé à un carrefour risque de provoquer un accident. Alors, Mosley descend de sa Chevrolet, tambourine sur la fenêtre de l'autre voiture pour réveiller son conducteur qui le remercie. Bien. Satisfait d'avoir fait son devoir de citoyen, Mosley reprend le volant et, une fois arrivé chez lui, il s'endort paisiblement. thinking about my past, wondering how I made it, and how long it's gonna last. Success has come to lots of them. Pendant que Mosley s'endort à Austin Street, chez lui, la police vient réveiller Marianne, la conjointe de Kitty. Et elle devient suspect numéro un. Ouais, dans l'homophobie ambiante, les lesbiennes sont considérées comme jalouses. Et si Kitty avait eu une relation avec un homme ce soir-là, et que Marianne ait voulu se venger, hein? Alors ils vont creuser cette piste. Le 14 mars 1964, le New York Times consacre un entrefilé au meurtre de Kitty, présenté comme une simple barmaid. Il faut dire que cette année-là, on compte 10 000 crimes par an aux États-Unis. Une femme de 28 ans du Queens a été poignardée à mort tôt dans la matinée d'hier devant son appartement de Kew Gardens. Les voisins, qui ont été réveillés par ses cris, ont trouvé la femme, Miss Catherine Genovese, résidant au 8270 Austin Street, peu après 3 heures du matin, devant son foyer. La police explique que Miss Genovese a été attaquée devant son immeuble et a couru avant de tomber. Elle avait garé sa voiture dans un parking pas très loin, selon la police, après avoir conduit depuis le bar où elle est manageuse. La police, qui a passé la journée à chercher l'arme du crime, a interviewé des témoins et a contrôlé des voitures qui ont été vues dans le voisinage. Elle a avoué n'avoir aucun indice. Le 18 mars 64, à 11h30 du matin, un homme tond la pelouse de son pavillon dans la 102e rue en plein cœur du Queens. Il s'appelle Raoul Clary. Il aperçoit un homme sortir de chez voisins, les Bannister, avec un grand téléviseur dans les bras. Clary interpelle ce type, un noir d'1m75, qui lui rétorque, tout en chargeant la télé dans sa Chevrolet blanche, qu'il aide pour un déménagement. Pas dupe, Clary traverse la rue et appelle la police dans un commerce voisin. Et pas bête non plus, alors que le pseudo-déménageur est retourné chez les Bannister, il débranche la batterie de sa Chevrolet. Ainsi, le type ne pourra pas démarrer sa voiture, ça laissera de la marge aux forces de l'ordre pour arriver et le coincer. Quand la police débarque, le cambrioleur décline son identité, Winston Mosley. Il est calme, serein. Les agents découvrent dans sa voiture le butin de 2 cambriolages commis le matin même et des images porno qu'il affirme avoir dérobées. Au commissariat, Mosley est interrogé par le détective John Tartaglia, une armoire à glace coriace qui n'a jamais eu de peine à intimider qui que ce soit. Mais face à ce Mosley, frêle, impassible, plutôt coopératif, le flic ne sort pas les crocs. Non, il sait qu'il n'est pas sur un gros coup. Le voleur raconte son boulot, décline son identité. Tartaglia s'interroge tout de même. Ce type a une vie confortable, pourquoi vole-t-il? A-t-il commis d'autres cambriolages, en plus des 2 de ce matin? Sans sourciller, Mosley lui répond que oui, il a cambriolé pas mal de maisons. Combien? Il n'était pas sûr, probablement 30, 40 peut-être. Puis le policier lui demande s'il a quelque chose à voir avec l'agression au pistolet d'une femme dans sa voiture une quinzaine de jours plus tôt et qui a survécu. Du tac au tac, le cambrioleur répond « Je suppose que j'ai fait ça, oui ». Le flic embraye. Et l'agression d'une autre femme, cette nuit même. « Je crois que j'ai fait aussi cela », rétorque Mosley, atone. Très vite, le lien est établi, bien sûr, entre le modèle de sa Chevrolet blanche et le meurtre de Kitty Gervaise dans la nuit du 13 au 14 mars. Et d'autres détectives arrivent. On interroge le suspect. Qui avoue ? Ok, je l'ai tué. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à Queens Boulevard et Yellowstone Avenue. Et j'ai commencé à quadriller le quartier à la recherche d'une femme seule dans une voiture. Vers 3 heures, j'ai réussi à en trouver une dans la rue. Elle s'est rendue sur un parking et a arrêté sa voiture. Dès qu'elle s'est arrêtée, j'ai commencé à la suivre. Alors qu'elle sortait de sa voiture, j'étais déjà sorti de la mienne. Et j'ai couru dans le parking. Elle m'a vu et elle a eu peur tout de suite. Et elle s'est mise à courir. Oh, je savais que les voisins n'auraient rien fait à cette heure-ci. Ils veulent juste retourner au lit. Dans la foulée, les enquêteurs découvrent le penchant nécrophile de Mosley qui avoue 2 meurtres et les viols qui ont suivi. L'enquête s'achève et l'assassin finit derrière les barreaux de la prison d'Attica, réputée pour ses terribles conditions. Il sera jugé l'été prochain, voilà. Une affaire réglée. Jusqu'à ce qu'un journaliste s'en mêle. Abraham Michael Rosenthal est l'archétype du reporter de la côte Est. Un caractère de cochon à piquer des colères pas possibles. Depuis son bureau enfumé, il dirige d'une main de fer les pages New York du New York Times. Et pour remplir son cahier, il lui faut des sources. Alors il consigne les coordonnées de ses contacts dans son précieux répertoire, notamment celle de Michael G. Murphy, le chef de la police de New York, avec qui il déjeune fréquemment. 10 jours après la mort de Kitty, le duo se retrouve au restaurant d'un hôtel proche de la 43e rue. Murphy lance alors le journaliste sur l'affaire Genovese. Dans son roman, Est-ce ainsi que les femmes meurent, inspiré de l'affaire, Didier de Coin imagine cette conversation entre les deux pontes new-yorkais. Vous tenez le boucher qui a fait ça, non ? On l'a bouclé, reconnut Murphy, mais il n'y avait aucune satisfaction dans la voix du policier. Il avait le ton et le regard morose. Presque affligé, pensa Rosenthal. Pourtant, après avoir mis la main sur un tueur qui jusqu'alors n'était fiché nulle part, et cela quelques jours à peine après un crime sur la scène duquel on n'avait relevé aucun indice vraiment exploitable, c'était une jolie réussite. Rien à foutre de la gloire. Mais ça ne serait pas mal que quelqu'un raconte ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. « Ah oui, dit-il, on a chopé celui qui tenait le couteau. Celui qui s'est acharné sur la fille. Mais il semble qu'il ne soit pas le seul responsable de sa mort. Un complice ?» « Pas un, dit Murphy. 38. » Oui, 38 complices. Pas armés, non. Mais qui ont entendu les cris déchirants de Kitty Genovese dans la nuit du 13 au 14 mars 64 et qui n'ont rien fait. 38 riverains de New Gardens qui ont préféré se rendormir, qui ont haussé le volume de la radio, qui n'ont pas voulu sortir car il faisait trop froid. Rosenthal confie le dossier à Martin Johnsberg, un jeune journaliste qui débarque illico à Austin Street et frappe aux portes de ceux qui auraient pu assister au crime. Le 27 mars 64 sort son article. Plus un édito qu'une enquête, d'ailleurs. Un j'accuse made in USA, une bombe. Pendant plus d'une demi-heure, 38 respectables et honnêtes citoyens du Queens ont regardé un tueur harceler et poignarder une femme lors de 3 attaques distinctes à Kew Gardens. Il était 3h50 lorsque la police a reçu son premier appel d'un homme qui était un voisin de Miss Genovese. En 2 minutes, ils étaient sur les lieux. La voisine, une femme de 70 ans et une autre femme étaient les seules personnes dans la rue. Personne d'autre ne s'est présenté. L'homme a expliqué qu'il avait appelé la police après de longues délibérations. « Je ne voulais pas m'impliquer », a-t-il dit timidement à la police. L'Amérique tremble. Chaque citoyen se regarde dans le miroir et ne peut s'empêcher de s'interroger. Qu'aurais-je fait à la place des habitants d'Austin Street ? L'article du New York Times provoque un blitz médiatique. Le visage de la victime est partout. Si les 38 monstres d'Austin Street sont condamnés par l'opinion, Winston Mosley, lui, est sur le point d'être jugé. Le 11 juin 1964 s'ouvre son procès à la cour du comté du Queens. Pour se présenter devant la cour, le criminel porte une chemise blanche impeccablement repassée à manches courtes. Après 4 jours d'audience, il est déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à la peine de mort. À la suite de cette annonce, un tonnerre d'applaudissements envahit la salle. Lui reste impassible. Il compte faire appel. Quatre ans après, alors que Mosley se trouve dans une ambulance à la suite de l'insertion d'un objet métallique dans son rectum, qu'il s'était lui-même infligé, il parvient à s'échapper et à s'emparer d'une arme à feu après avoir assommé les gardiens. Il trouve refuge dans un appartement dans les faubourgs de Buffalo, où il prend en otage un couple et sa femme de ménage. Il viole les deux femmes, le FBI intervient, retour à la prison. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, au contraire, elle enfle. John Bailey et Bill Blatin, deux chercheurs, s'en emparent, parce qu'ils veulent comprendre. Mais enfin, comment expliquer que 38 personnes ont assisté à un meurtre sans rien faire? L'affaire devient le point de départ d'un mécanisme incontournable en psychologie sociale, l'effet du témoin, ou l'effet Kitty Genovese. Le duo lance diverses expériences. Toujours enseigné aujourd'hui, le bystander effect repose sur deux leviers. S'il y a une situation d'urgence, les témoins se transmettent la responsabilité, estimant qu'il y a bien un voisin qui va agir. De sorte que plus il y a de personnes qui assistent à une situation d'urgence, moins il y a de chances que l'une d'entre elles intervienne. En 1970, les deux sociologues filment quelques-unes de leurs expériences, comme celle de l'incendie. Nous sommes partis de l'accident de Kitty Genovese. Vous connaissez probablement cette affaire. Cette jeune femme a été poignardée à mort par un homme et ses voisins ont regardé la scène pendant 40 minutes. Personne ne lui a porté secours et la police a été appelée trop tard. Au final, elle est morte. Et c'était vraiment terrifiant parce qu'elle était en train de se faire tuer et ses voisins n'ont rien fait. Nous avons décidé de créer une situation ambiguë pour voir comment les gens répondent. Et on a pensé que l'une des situations où il est difficile de dire s'il s'agit ou non d'une urgence est celle du feu. On ferait entrer de la fumée sous une porte et les gens se demanderaient « Est-ce un incendie ou l'air conditionné qui ne fonctionne plus ?» Suite de l'expérience, un homme entre dans une pièce, chemise, col pelle à tarte et nuque longue typique des 70s. Il est seul, il est invité à remplir un questionnaire à une table. Alors qu'il écrit, et comme prévu, la fumée passe sous la porte. L'homme réagit, quitte la pièce et va prévenir la secrétaire. Quelque chose prend feu, il faut agir. Fin de la première expérience. Seconde, la scène qui suit est difficilement imaginable. Ce sont désormais 3 hommes qui s'installent dans la pièce, eux aussi pour remplir le même document. Quand la fumée commence à envahir la pièce, aucun d'entre eux ne réagit. Quelques échanges de regards, certes, mais ils font comme si de rien n'était. C'est ça l'effet Kitty Genovese, ou le bystander effect. Toutes ces personnes attendent que les autres réagissent à leur place et se transmettent la responsabilité d'agir. Un effet avéré. La preuve. En avril 2014, en France, une jeune femme de 30 ans fait les frais lors d'un déplacement tragique dans le métro lillois. Son calvaire dure 30 minutes, sous l'œil d'une dizaine de passagers. Une agression sexuelle dans l'indifférence générale. La victime s'en raconte au micro de France 3. Son calvaire commence sur le quai du métro. La jeune femme est importunée par un homme éméché. Il lui touche la poitrine, les fesses, tente de l'embrasser. La victime essaye de le repousser, en vain. Et pas un seul passager ne va l'aider. Dès que je suis rentrée dans la rame, et ben en fait le jeune homme est venu vers moi et m'a agressé directement, m'a suivi, m'a frappé. En fait, il m'a fait des attouchements, il a essayé de carrément me violer. Il m'a mal parlé, m'a insulté. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Que j'étais une pute. Qui allait me violer, qui allait appeler ses cousins. Si l'effet témoin existe bel et bien, au fur et à mesure des années, le mythe des 38 témoins se craquelle. Il se trouve que des journalistes penchent sur l'affaire et mettent à mal la version du New York Times, ainsi que l'étrange deal d'infos entre le chef de la police de New York de l'époque et le rédacteur en chef du Canard. Autrement dit, si la recherche du scoop avait dépassé la vérification des faits. Au milieu des années 60, la police de New York est gangrénée par la corruption. Beaucoup ne lui font pas confiance. Parmi eux, il y a Carl Ross, le voisin que Kitty appelait à l'aide et qui a réagi très tard. On découvre qu'il était lui aussi homosexuel. Après l'apparition de l'article du New York Times et de la terrible phrase qui lui était attribuée « Je ne voulais pas m'impliquer », il a déménagé et il a disparu. D'ailleurs, il n'a pas témoigné au procès. Ross était ivre ce soir-là et avait peur de la police parce qu'il est gay. Dans ces conditions, la police représentait une menace. Par ailleurs, le 911, le numéro actuel dans le pays qui centralise les appels pour les secours, n'existait pas et les foyers ne possédaient pas tout un téléphone. On apprend même que des voisins auraient appelé la police ce soir-là, mais qu'elle n'avait pas jugé utile de se déplacer. Autre réalité de l'époque, en 1964, les violences sexistes, les coups d'un mari sur sa femme relèvent du privé. Les voisins ne s'en mêlent pas. Au début des années 2000, historiens et journalistes continuent d'écailler le mythe. Le chiffre 38 viendrait simplement du nombre de pages du rapport de police. En mars 2004, 40 ans après le meurtre de Kitty Genovese, le New York Times fait son mea culpa dans son article « Kitty 40 ans après » et donne la parole à Joseph Demey, un historien qui a passé l'affaire au scanner. Je me souviens d'avoir lu l'article, puis de l'avoir posé, et d'avoir pensé « Eh bien, cela ne colle pas du tout. » Et puis je l'ai relu, attentivement. Je connaissais la région. Je connaissais la scène du crime parce que j'y passais tous les jours. Ouais, il y a eu un meurtre. Ouais, les gens ont entendu quelque chose. Vous pouvez vous demander comment certaines personnes se sont comportées. Mais il ne s'agissait pas de 38 personnes regardant une femme se faire massacrer pendant 35 minutes et disant « Oh, je ne veux pas être impliqué ». Winston Mosley est mort en prison le 28 mars 2016 à l'âge de 81 ans. Aujourd'hui, malgré les mises en garde des historiens, le mythe des 38 témoins reste omniprésent. Il a dépassé les faits et facile encore. Le courage de Sophie Farah, qui, sans savoir si l'assassin était parti, s'est précipité pour sauver sa voisine, alors que son nourrisson d'à peine quelques mois dormait dans son landau. Le courage de Marianne, homosexuelle, qui a dû faire son coming out face à la police alors qu'elle venait de perdre la femme de sa vie. Et la force titanesque de Kitty, qui malgré les coups de couteau et la peur ne s'est pas tue. C'est cela, l'affaire Genovese. Le courage humain face à l'intolérance d'une société homophobe et les dégâts du fake news d'une presse parfois coupable. She takes just like a woman, yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl. Nobody feels anything tonight as I stand inside the rain. Everybody knows baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman. Yeah. She does, just like a woman. And she breaks like a little girl. It was raining from the first. Everybody knows I was dying of thirst. So I came here a long time's curse. And what's worse is his pain. Yeah, I can't stay in here. Sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Kitty Gervaise, notre invité, Lucas Bellevaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Votre dernier film des hommes, sorti en 2021, met à l'écran le souvenir de la guerre d'Algérie. On est déjà dans le cinéma du réel, on en reparlera. Mais si vous êtes avec nous, c'est surtout pour nous parler d'un autre de vos films, 38 témoins, sorti en 2012. Ce thriller se passe au Havre, dans une rue où un assassinat a lieu. Une jeune femme meurt sous des coups de couteau de son agresseur. Les riverains ne savent rien, rien vu, rien entendu. Évidemment, ça nous rappelle quelque chose. Racontez-nous la jeunesse de ce film. Vous êtes tombé, il me semble, sur le roman de Didier Decoing, Est-ce ainsi que les femmes meurent? C'est ça qui vous a inspiré, donné envie de faire ce film? Ah oui, c'était à l'origine pratiquement une adaptation. Enfin, ça devait être une adaptation. J'avais tourné un film précédent juste avant avec Yvan Attal qui s'appelle Rapt, autour d'un fait divers déjà. Autour Baron de... Ouais, oui, absolument. Et Yvan s'était bien entendu et il m'a dit mais j'ai les droits d'un livre. Et est-ce que ça t'intéresserait? Et puis j'ai lu le livre et pour la faire simple, on est partis ensemble sur cette histoire-là. Je l'écrivais, je mettais en scène, il le jouait. Et puis ça n'a pas été si simple parce que le livre de Didier, qui est un très beau livre, parlait, en gros, était construit sur deux parties. En deux parties, il y avait à la fois le portrait de la victime et puis dans une deuxième partie, le portrait de l'assassin. Et tout ça était relié par un récit de l'affaire assez précis et cette histoire des 38 témoins. Et moi, j'avais pas envie de parler d'une victime ni parler d'un assassin, qui est un serial killer, qui est une figure en gros. En soi, c'est assez banal le serial killer. Oui. Bien sûr. Et puis j'avais pas envie de montrer ça au cinéma. En revanche, l'histoire des 38 témoins me passionnait. Parce que ça raconte vraiment quelque chose de l'humanité d'une part, de la société ensuite. Et que c'est la conjonction des deux qui devient passionnante. Et donc j'ai réécrit le film en l'adaptant ici, aujourd'hui, au Havre, dans une rue très particulière. Pourquoi le Havre? Parce que je dis ça parce que quand un cinéaste décide de tourner un film, il va en repérage, c'est important de définir le cadre. Le cadre parle aussi, c'est un langage, le cadre. Absolument. Quel langage dans ce film-là? Le Havre, pourquoi en, le Havre? En fait, j'ai écrit le scénario en pensant au Havre déjà. C'est une ville où j'avais tourné comme acteur dans un court-métrage et qui m'avait beaucoup impressionné, à la fois par le port et par son architecture. Vous savez, c'est le Havre, c'est l'architecture de la reconstruction. Absolument. Et je crois que c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'ailleurs. Absolument. Cette reconstruction. Ce qui a beaucoup changé l'image de la ville dans, dans le regard qu'on portait sur elle. Et c'est une architecture presque théâtrale, presque comme un décor. Et donc, ça permettait de donner une distance, d'avoir un film un peu distancié, pas entièrement réaliste. Il y a quelque chose de très étrange, parce que je voulais pas faire un film d'identification. Je ne voulais pas mettre le spectateur en position d'être lui-même le témoin du crime, mais je voulais qu'il soit témoin des témoins. Et donc, il fallait une certaine distance et garder ce côté un peu théâtral du décor et stylisé, en fait. Et vous avez effectué des recherches, ou est-ce qu'à partir du livre, vous aviez ce qu'il fallait? Est-ce que vous êtes allé sur le terrain voir un peu comment ça... Non, j'ai travaillé sur le livre, essentiellement. Et c'était une source d'information qui était suffisante, de toute façon. Oui, c'était écrit avec talent, d'ailleurs. Donc, oui, surtout que je m'en détachais. Oui, en plus, oui. On verra justement la marge de manœuvre d'un artiste par rapport au réel, ce qu'il peut lui apporter, justement par la liberté à laquelle l'artiste a droit. On verra ça après avoir écouté Stéphane Escher, qui chante Autour de ton cou. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Luc Abelvaux, dans votre film 38 témoins, le procureur dit « Un témoin qui se tait, c'est un salaud. 38, c'est monsieur tout le monde. » Absolument. Mais ça, c'est... j'étais assez fier de cette réplique, parce que je pense que c'est assez vrai. En fait, il pose la question dans une, enfin, il dit ça dans une discussion avec une journaliste qui lui dit, mais pourquoi vous gardez le secret? Pourquoi vous ne poursuivez pas ces gens? Et lui, il est dans une logique de, comment dire, d'ordre public, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est procureur? Parce que, on révèle ça, on le met, et puis, c'est pas la même chose quand tout à coup, la banalisation, le mal devient banal, eh ben, on en fait quoi? C'est beaucoup plus compliqué. Donc, lui fait le choix, finalement, de ne rien dire, et chacun se débrouillera avec sa conscience. Et pour elle, c'est insupportable. Il faut mettre les coupables en face de leur responsabilité. Et donc, il y a cette tension-là entre à la fois le procureur et la journaliste. Alors, ce qui est difficile aussi, c'est de se lancer dans cette aventure, raconter une histoire au cinéma, sans tomber dans le jugement. J'imagine, et si je vous pose la question de savoir, pour vous, est-ce que c'est l'histoire de la lâcheté, d'un silence assassin? Qu'est-ce que vous répondez, surtout sur quel postulat vous êtes parti pour votre film? Est-ce que vous vous êtes dit, oui, je peux avoir un point de vue, il peut y avoir un jugement, mais non, je vais essayer de tourner ça sans jugement. C'était quoi l'état d'esprit? Bah, d'une manière générale, c'est pas à moi de juger mes personnages. Donc, en revanche, je suis pas contre le jugement a priori, mais ça sera au spectateur de... Je suis comme un juge d'instruction, en fait. C'est-à-dire que je vais essayer de donner tous les éléments au spectateur pour lui avoir son jugement propre. Et donc, sur ce film-là, l'idée, c'était de montrer que sur les 38 témoins, si on considère qu'il y en a 38, chacun est une situation différente. Il y a 38 regards différents. Il y a celui qui a entendu, il y a celui qui a vu quelque chose, mais pas grand-chose, qui n'a pas compris, il y a celui qui a été lâche, il y a 38 situations différentes. Et donc, fallait montrer un peu, pas les 38, je ne montre pas les 38, mais montrer en tout cas cette idée-là. Cette idée que, à chaque fois, et c'est le principe de la justice, hein, moi je suis contre la justice automatique, c'est-à-dire que, un excès de vitesse s'étend, un vol à l'étalage s'étend, et on ne revient pas. Vous demandez du discernement, quoi. Oui, parce qu'il y a des circonstances qui peuvent être atténuantes ou pas, et pour cette histoire de témoin, c'est la même chose. Tout le monde n'a pas vu la même chose, tout le monde n'est pas dans la même situation personnelle, il y a ceux qui ont pris des médicaments pour dormir, il y a ceux... On n'a pas tous la même perception. Et donc, je voulais raconter ça, en fait. Et puis, l'idée aussi de la sidération. C'est-à-dire que quand on entend ce qu'on entend, je pense qu'il y a quelque chose de plus obscur que l'explication du « le voisin téléphonera ». Je ne me suis jamais satisfait de cette théorie-là. Je pense qu'il y a un point aveugle, quelque part, dans l'humanité, qui fait qu'on intervient ou pas. Il y a aussi des gens qui interviennent. On voit dans le film, il y en a un qui sort sur son balcon, qui crie, et ça suffit à arrêter l'assassin. C'est trop tard, mais... Et il y a eu ça dans l'histoire Kitty Genovese. Il y a effectivement cet homme dont vous parlez, qui va crier, qui va... Le problème, c'est qu'il ne va pas descendre dans la rue après. Oui, il fait la moitié du chemin, quoi. Mais oui, il fait que la moitié du chemin. Mais, bon, si d'autres l'avaient fait... Elle est troublante, cette histoire, et votre film l'est aussi, à partir de cette histoire, c'est qu'elle nous renvoie à une question existentielle terrible, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, vous savez, et cette question, on se la pose, alors ça n'a rien à voir, mais on se la pose pour la période de l'occupation, par exemple, c'est, mais qu'est-ce qu'on aurait fait, quoi? Qu'est-ce qu'on aurait fait, donc on ne juge pas? Et puis ça, la question, elle revient, lancinante, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Oui, mais la question peut se poser de cette façon-là. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi ? En revanche, ça ne doit pas empêcher d'avoir un jugement sur ce qui a été fait à l'époque, sous prétexte qu'on ne sait pas ce qu'on aurait fait soi. Bien sûr, c'est trop commode, évidemment. Voilà, avec le recul, on doit pouvoir juger, se dire, bah, y en a qui se sont trompés, il y en a qui ont été des salauds, et puis les salauds, on les juge, et puis c'est tout. Mais, et après, sur soi, effectivement, on ne peut pas savoir si on aurait été un héros ou pas, ou si on aurait été lâche. Et donc, on ne peut le savoir que le jour où ça nous arrive. Parfois, on se trompe. Hein. Parfois, effectivement, on a, contrairement à 64 aux États-Unis, aujourd'hui, on ne supporte plus les cris d'une femme battue. On intervient beaucoup plus facilement. Enfin, moi, j'aurais tendance à surréagir même, réagir au premier cri. C'est pas grave. Il vaut mieux surréagir que de ne pas réagir du tout. Oui. Alors, il y a aussi faute à moitié pardonnée, à moitié avouée, à moitié pardonnée. Il y a cet homme, Pierre Morvan, dans votre film, qui rompt le pacte du silence. D'ailleurs, y avait-il un pacte du silence? En tout cas, il le rompt. Voilà, c'est intéressant de voir aussi qu'il peut y avoir un comportement qui est un peu entre les deux, entre surtout j'y vais pas, j'ai trop peur, ou j'y vais malgré les risques. Il représente ça, Pierre Morvan, finalement ? Oui, oui. Ben, il représente la culpabilité. Enfin, celui qui n'arrive pas à vivre avec sa culpabilité. Mmh. C'est-à-dire que tout à coup, il a besoin, lui, d'être jugé. Parce que je pense que certains, on peut avoir besoin de ça, comme certains ont besoin de la confession. Tout le monde n'a pas une relation directe avec. Bien sûr. Et donc, il y a besoin d'un jugement pour être condamné, payer ses fautes, et puis pouvoir continuer à vivre. Et je pense que dans une société, la justice sert aussi à ça. C'est-à-dire que la justice, elle sert à la fois à punir et puis à passer à travers, continuer à, justement à faire société. Qu'on ne porte pas ses fautes tout le temps et tout seul aussi. On expie. Il faut expier. Alors, il y a le personnage de la journaliste, évidemment. Alors, son rôle dans l'affaire, et puis après on parlera du rôle de la presse pour le fait réel. Qu'est-ce que vous avez montré dans ce film du comportement des journalistes? En fait, c'est de 7 journalistes, parce qu'on ne va pas globaliser. Hein. Absolument. C'est l'idée de raconter et de comprendre. Il y a cette fameuse phrase de Simenon, comprendre, pas juger. Et je pense qu'elle est là-dedans. Bon, je ne suis pas complètement d'accord avec Simenon, en tout cas pour lui. Mais elle est complètement dans cette idée-là. C'est qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui s'est passé. On ne peut pas laisser, à partir du moment où on sait ce qui s'est passé, on ne peut pas laisser ça en vrac. Justement pour faire société, pour que cette chose-là, enfin que cette horreur-là ne se reproduise plus. Oui. Il faut la comprendre, il faut en parler, il faut verbaliser, il faut peut-être punir ou pas d'ailleurs. Mais bon, il y a un moment et après une réflexion, après enquête, c'est pour ça qu'elle va voir le procureur, la séquence dont on parlait tout à l'heure, pour lui dire, mais il faut juger, il faut que ça soit public. Je ne peux pas, moi, en tant que journaliste, être seul dépositaire de ça, parce que sinon le quartier entier va être mis à l'index, et je ne peux en parler que si vous assumez aussi votre responsabilité, oui, de juge. Elle peut pas y aller seule, et la sûr. Société, elle marche sur plusieurs pieds. Essayez de comprendre, vous disiez tout à l'heure, je ne me satisfais pas de la thèse officielle. Non. Bon, donc vous n'avez pas été convaincu par l'expérience des scientifiques que je racontais tout à l'heure. Mais oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est assez parlant, et je pense que c'est sérieux et indiscutable. Mais... Et je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a quelque chose de plus. Parce que, et je m'en suis rendu compte en tournant le film, c'est-à-dire que quand on est dans les conditions, et c'est aussi ce que raconte le film, puisqu'il y a une reconstitution du crime, et c'est à ce moment-là où le procureur va comprendre qu'il doit absolument poursuivre ses témoins pour non-assistance à personne en danger, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Dans le cas de Kitty Genovese, ses témoins pouvaient tout raconter après, ils ne risquaient absolument rien. En France, c'est pas la même chose. Bien sûr. Pour l'avoir vécu quelque part, un peu en vrai quand même, on a fait cette espèce de reconstitution pour le tourner. Et quand on entend ces cris, on se dit, mais quand même, c'est pas, on se dit pas, quand on entend ça, oui, on se dit pas, le voisin va téléphoner. Ça ne va pas. Ça ne suffit pas comme explication. Il y a quelque chose d'autre, de plus profond, de plus noir. Tout simplement la peur d'y aller. Tout simplement. On ne peut pas pénaliser la peur. Mais d'une part, dans la notion de non-assistance à personne en danger, on n'est pas censé se mettre en danger soi. D'accord. Il est dit que on ne doit agir que sans se mettre. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Mmh. Par exemple, si vous ne savez pas nager, c'est pas la peine de plonger dans la Seine. Ça ferait de mort au lieu d'un. Donc on ne peut pas vous le reprocher. Mmh. Si vous êtes champion olympique de natation, la question commence à se poser. Et donc il suffit de prendre le téléphone, il suffit d'ouvrir la fenêtre comme l'a fait un des témoins et de crier. Et là on pouvait le faire. Donc qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas ouvert la fenêtre et crié. Et je pense que c'est autre chose que le syndrome du témoin. Et puisqu'on n'a pas trouvé, ça s'appelle la mystère. Ce sera le mot absolument, de la fin, le mystère de la non-intervention. Merci infiniment, Lucas Bellevaux, pour cette discussion passionnante. Je vous en prie. Au revoir. Et affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Kitty Genovese, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Félix Delacour.